Quatrième partie, motif d'établir plus de degrés dans l'instruction commune. Petit 1, pour rendre les citoyens capables de remplir les fonctions publiques afin qu'elles ne deviennent pas une profession. Je trouve trois motifs principaux pour multiplier le nombre des degrés de l'instruction commune. Dans les professions particulières, où ceux qui s'y livrent ont pour but principal leur intérêt de profit ou de gloire, et dans celles où les rapports avec les autres hommes sont toujours d'individu à individu, l'utilité commune exige qu'elle se subdivise de plus en plus parce qu'une profession plus bornée peut être mieux exercée, même avec une égale capacité et le même travail. Il n'en est pas de même des professions qui, donnant des relations directes avec la société entière et agissant sur elle, sont de véritables fonctions publiques. Lorsque la confection des lois, les travaux d'administration, la fonction de juger, deviennent des professions particulières réservées à ceux qui s'y sont préparés par des études propres à chacun, alors on ne peut plus dire qu'il règne une véritable liberté. Il se forme nécessairement, dans une nation, une espèce d'aristocratie, non de talents et de lumières, mais de professions. C'est ainsi qu'en Angleterre, celle d'homme de loi est parvenue à concentrer, parmi ses membres, presque tout le pouvoir réel. Le pays le plus libre est celui où un plus grand nombre de fonctions publiques peuvent être exercées par ceux qui n'ont reçu qu'une instruction commune. Il faut donc que les lois cherchent à rendre plus simple l'exercice de ces fonctions et qu'en même temps un système d'éducation sagement combiné donne à cette instruction commune toute l'étendue nécessaire pour rendre digne de remplir ses fonctions ceux qui ont su en profiter. Petit 2, pour que la division des métiers et des professions ne conduise pas le peuple à la stupidité. Monsieur Smith a remarqué que plus les professions mécaniques se divisaient, plus le peuple était exposé à contracter cette stupidité naturelle aux hommes bornés à un petit nombre d'idées d'un même genre. L'instruction est le seul remède à ce mal, d'autant plus dangereux dans un État que les lois y ont établi plus d'égalité. En effet, si elle s'étend au-delà des droits purement personnels, le sort de la nation dépend alors, en partie, d'hommes hors d'état d'être dirigés par leur raison et d'avoir une volonté qui leur appartienne. Les lois prononcent l'égalité dans les droits. Les institutions pour l'instruction publique peuvent seules rendre cette égalité réelle. Celle qui est établie par les lois est ordonnée par la justice, mais l'instruction seule peut faire que ce principe de justice ne soit pas en contradiction avec celui qui prescrit de n'accorder aux hommes que les droits dont l'exercice, conforme à la raison et à l'intérêt commun, ne blesse point ceux des autres membres de la même société. Il faut donc à la fois qu'un des degrés de l'instruction commune rende capable de bien remplir toutes les fonctions publiques les hommes même d'une capacité ordinaire et qu'un autre n'exige qu'aussi peu de temps que peut en sacrifier à l'étude l'individu destiné à la branche la plus resserrée d'une profession mécanique, afin qu'il puisse échapper à la stupidité, non par l'étendue, mais par le choix et la justesse des notions qu'il recevra. Autrement, on introduirait une inégalité très réelle en faisant du pouvoir le patrimoine exclusif des individus qui l'achèteraient, en se dévouant à certaines professions où on livrerait les hommes à l'autorité de l'ignorance, toujours injuste et cruelle, toujours soumise à la volonté corrompue de quelques tyrans hypocrites. On ne pourrait maintenir ce fantôme imposteur d'égalité qu'en sacrifiant la propriété, la liberté, la sûreté aux caprices des féroces agitateurs d'une multitude égarée et stupide. Petit 3, pour diminuer, par une instruction générale, la vanité et l'ambition. Dans une société nombreuse, c'est un grand mal que cette avidité turbulente avec laquelle ceux qui n'emploient pas tout leur temps, soit à travailler pour leur subsistance, soit à s'enrichir, poursuivent les places qui donnent du pouvoir ou qui flattent la vanité. À peine un homme a-t-il pu acquérir quelques demi-connaissances que déjà il veut gouverner sa ville ou qu'il prétend l'éclairer. On regarde comme une vie inutile et presque honteuse celle d'un citoyen qui, occupé du soin de ses affaires, reste tranquillement dans le sein de sa famille à préparer le bonheur de ses enfants, à cultiver l'amitié, à exercer la bienfaisance, à fortifier sa raison par de nouvelles connaissances et son âme par de nouvelles vertus. Cependant, il est difficile d'espérer qu'une nation puisse jouir d'une liberté paisible et perfectionner ses institutions et ses lois si l'on ne voit s'y multiplier cette classe d'hommes dont l'impartialité, le désintéressement et les lumières doivent finir par diriger l'opinion. Eux seuls peuvent opposer une barrière au charlatanisme, à l'hypocrisie qui, sans cette utile résistance, s'emparerait de toutes les places. Ceux que des talents ou des vertus y appellent ne pourraient, sans ce secours, combattre l'intrigue qu'avec des avantages. En effet, un instinct naturel inspirera toujours aux hommes peu éclairés une sorte de défiance pour ceux qui aspireront à obtenir leur suffrage. Ne pouvant juger d'après leur propre lumière, croiront-ils les concurrents sur eux-mêmes ou sur leurs rivaux? Ne se défieront-ils pas de leurs opinions, dans lesquelles ils leur supposeront un intérêt caché, avec d'autant plus de facilité que si cet intérêt existait réellement, ils ne le distingueraient pas? Il faut donc que la confiance du commun des citoyens puisse se reposer sur les hommes qui n'aspirent à rien et qui soient en état de guider leurs choix. Mais cette classe ne peut exister que dans un pays où l'instruction publique offrirait à un très grand nombre d'individus la facilité d'acquérir ces connaissances qui consolent et embellissent la vie, qui empêchent de sentir le poids du temps et la fatigue du repos. C'est là que ces nobles amis de la vérité peuvent se multiplier assez pour être utiles et trouver dans la société de leurs égaux un encouragement à leur modeste et paisible carrière. C'est là seulement que des connaissances ordinaires, n'offrant pas à l'ambition des espérances séductrices, on n'a besoin que d'une vertu commune pour consentir à n'être qu'un honnête homme et un citoyen éclairé. Ce que nous venons de dire de l'instruction des enfants s'applique également à celle des hommes. Il faut qu'elle puisse se proportionner à leur capacité naturelle, à l'étendue de leur instruction première, et au temps qu'ils peuvent ou qu'ils veulent encore y consacrer, afin d'établir toute l'égalité qui peut exister entre les choses nécessairement inégales, celles qui excluent, non la supériorité, mais la dépendance. Sous une constitution fondée sur des principes injustes, et dans laquelle cependant un mélange adroit de monarchie ou d'aristocratie assurerait la tranquillité et le bien-être du peuple, dont il détruirait la liberté, une instruction publique générale serait sans doute utile. Cependant, l'État pourrait conserver sans elle la paix, et même une sorte de prospérité. Mais une constitution vraiment libre, où toutes les classes de la société jouissent des mêmes droits, ne peut subsister si l'ignorance d'une partie des citoyens ne leur permet pas d'en connaître la nature et les limites, les oblige de prononcer sur ce qu'ils ne connaissent pas, de choisir quand ils ne peuvent juger. Une telle constitution se détruirait d'elle-même après quelques orages et dégénérerait en une de ces formes de gouvernement qui ne peuvent conserver la paix au milieu d'un peuple ignorant et corrompu. Nécessité d'examiner à part chaque division et chaque degré de l'instruction. Pour chacune des nombreuses divisions qui viennent d'être établies, il est nécessaire d'examiner, premièrement, quels doivent être les objets de l'instruction et à quel terme il convient de s'arrêter. Deuxièmement, quels livres doivent servir à chaque enseignement et quels autres moyens il peut être utile d'y ajouter. Troisièmement, quelles doivent être les méthodes d'enseigner. Quatrièmement, quel maître on doit choisir, par qui et comment il faut qu'il soit choisi. En effet, ces diverses questions ne doivent pas être résolues de la même manière pour chacune des divisions qui viennent d'être établies. Le véritable esprit systématique ne consiste pas à étendre au hasard les applications d'une même maxime, mais à faire dériver des mêmes principes les règles propres à chaque objet. Il est le talent de comparer, sous toutes leurs faces, toutes les idées justes et vraies qui s'offrent à la méditation, d'en faire sortir les combinaisons neuves ou profondes qui y sont cachées, et non l'art de généraliser des combinaisons formées au hasard du petit nombre d'idées qui se présentent les premières. Ainsi, dans le système du monde, les astres soumis par une loi commune à une dépendance réciproque se meuvent chacun dans une orbite différente suivent des directions diverses et, entraînés avec des vitesses qui changent à chaque instant, présentent, dans le résultat d'un même principe, une inépuisable variété d'apparences et de mouvements. Question préliminaire à résoudre. Mais avant d'entrer dans ces détails, il faut déterminer, premièrement, si l'éducation publique, instituée par un pouvoir national, doit se borner à l'instruction. Deuxièmement, jusqu'où s'étendent, sur cette instruction, les droits de la puissance publique. Si l'instruction doit être la même pour les deux sexes, ou s'il faut, pour chacun, des établissements particuliers. Cinquième partie. L'éducation publique doit se borner à l'instruction. Petit 1. Parce que la différence nécessaire des travaux et des fortunes empêche de lui donner plus d'étendue. L'éducation publique doit-elle se borner à l'instruction ? On trouve chez les anciens quelques exemples d'une éducation commune où tous les jeunes citoyens, regardés comme les enfants de la République, étaient élevés pour elle et non pour leur famille ou pour eux-mêmes. Plusieurs philosophes ont tracé le tableau d'institutions semblables. Ils croyaient y trouver un moyen de conserver la liberté et les vertus républicaines qu'ils voyaient constamment fuir, après un petit nombre de générations, les pays où elles avaient brillé avec le plus de splendeur. Mais ces principes ne peuvent s'appliquer aux nations modernes. Cette égalité absolue dans l'éducation ne peut exister que chez des peuples où les travaux de la société sont exercés par des esclaves. C'est toujours en supposant une nation avilie que les anciens ont cherché les moyens d'en élever une autre à toutes les vertus dont la nature humaine est capable. L'égalité qu'ils voulaient établir entre les citoyens, ayant constamment pour base l'inégalité monstrueuse de l'esclave et du maître, tous leurs principes de liberté et de justice étaient fondés sur l'iniquité et la servitude. Aussi n'ont-ils pu jamais échapper à la juste vengeance de la nature outragée. Partout ils ont cessé d'être libres parce qu'ils ne voulaient pas souffrir que les autres hommes le fussent, comme eux. Leur indomptable amour de la liberté n'était pas la passion généreuse de l'indépendance et de l'égalité, mais la fièvre de l'ambition et de l'orgueil. Un mélange de dureté et d'injustice corrompait leurs plus nobles vertus. Et comment une liberté paisible, la seule qui puisse être durable, aurait-elle appartenu à des hommes qui ne pouvaient être indépendants qu'en exerçant la domination et vivre avec leurs concitoyens, comme avec des frères, sans traiter en ennemi le reste des hommes? Que cependant, ceux qui aujourd'hui se vantent d'aimer la liberté en condamnant à l'esclavage des êtres que la nature a fait leurs égaux, ne prétendent pas même à ces vertus souillées des peuples antiques. Ils n'ont plus pour excuse ni le préjugé de la nécessité, ni l'invincible erreur d'une coutume universelle. Et l'homme vil, dont l'avarice tire un honteux profit du sang et des souffrances de ses semblables, n'appartient pas moins que son esclave au maître qui voudra l'acheter. Parmi nous, les emplois pénibles de la société sont confiés à des hommes libres qui, obligés de travailler pour satisfaire à leurs besoins, ont cependant les mêmes droits et sont les égaux de ceux que leur fortune en a dispensés. Une grande portion des enfants des citoyens sont destinés à des occupations dures dont l'apprentissage doit commencer de bonne heure, dont l'exercice occupera tout leur temps. Leur travail devient une partie de la ressource de leur famille, même avant qu'ils soient absolument sortis de l'enfance. Tandis qu'un grand nombre, à qui l'aisance de leurs parents permet d'employer plus de temps et de consacrer même quelques dépenses à une éducation plus étendue, se prépare, par cette éducation, à des professions plus lucratives, et que pour d'autres, enfin, nés avec une fortune indépendante, l'éducation a pour objet unique de leur assurer les moyens de vivre heureux et d'acquérir la richesse ou la considération que donnent les places, les services ou les talents. Il est donc impossible de soumettre à une éducation rigoureusement la même des hommes dont la destination est si différente. Si elle est établie pour ceux qui ont le moins de temps à consacrer à l'instruction, la société est forcée de sacrifier tous les avantages qu'elle peut espérer du progrès des Lumières. Si, au contraire, on voulait la combiner pour ceux qui peuvent sacrifier leur jeunesse entière à s'instruire, où l'on y trouverait d'insurmontables obstacles, ou il faudrait renoncer aux avantages d'une institution qui embrassa la généralité des citoyens. Enfin, dans l'une et dans l'autre supposition, les enfants ne seraient élevés ni pour eux-mêmes, ni pour la patrie, ni pour les besoins qu'ils auront à satisfaire, ni pour les devoirs qu'ils seront obligés de remplir. Une éducation commune ne peut pas se graduer comme l'instruction. Il faut qu'elle soit complète. Sinon, elle est nulle, et même nuisible. Petit 2, parce qu'alors, elle porterait atteinte aux droits des parents. Un autre motif oblige encore de borner l'éducation publique à la seule instruction. C'est qu'on ne peut l'étendre plus loin sans blesser des droits que la puissance publique doit respecter. Les hommes ne se sont rassemblés en société que pour obtenir la jouissance plus entière, plus paisible et plus assurée de leurs droits naturels et, sans doute, on doit y comprendre celui de veiller sur les premières années de ses enfants, de suppléer à leur inintelligence, de soutenir leurs faiblesses, de guider leur raison naissante et de les préparer au bonheur. C'est un devoir imposé par la nature et il en résulte un droit que la tendresse paternelle ne peut abandonner. On commettrait donc une véritable injustice en donnant à la majorité réelle des chefs de famille et plus encore en confiant à celle de leurs représentants le pouvoir d'obliger les pères à renoncer au droit d'élever eux-mêmes leur famille. Par une telle institution qui, brisant les liens de la nature, détruirait le bonheur domestique, affaiblirait ou même anéantirait ces sentiments de reconnaissance filiale, premier germe de toutes les vertus, on condamnerait la société qui l'aurait adoptée à n'avoir qu'un bonheur de convention et des vertus factices. Ce moyen peut former sans doute un ordre de guerriers ou une société de tyrans, mais il ne fera jamais une nation d'hommes, un peuple de frères. Petit 3, parce qu'une éducation publique deviendrait contraire à l'indépendance des opinions. D'ailleurs, l'éducation, si on la prend dans toute son étendue, ne se borne pas seulement à l'instruction positive, à l'enseignement des vérités de faits et de calculs, mais elle embrasse toutes les opinions politiques, morales ou religieuses. Or, la liberté de ces opinions ne serait plus qu'illusoire si la société s'emparait des générations naissantes pour leur dicter ce qu'elles doivent croire. Celui qui, en entrant dans la société, y porte des opinions que son éducation lui a données, n'est plus un homme libre. Il est l'esclave de ses maîtres, et ses fers sont d'autant plus difficiles à rompre que lui-même ne les sent pas et qu'il croit obéir à sa raison quand il ne fait que se soumettre à celle d'un autre. On dira peut-être qu'il ne sera pas plus réellement libre s'il reçoit ses opinions de sa famille, mais alors ses opinions ne sont pas les mêmes pour tous les citoyens. Chacun s'aperçoit bientôt que sa croyance n'est pas la croyance universelle. Il est averti de s'en défier. Elle n'a plus à ses yeux le caractère d'une vérité convenue. Et son erreur, s'il y persiste, n'est plus qu'une erreur volontaire. L'expérience a montré combien le pouvoir de ses premières idées s'affaiblit dès qu'il s'élève contre elles des réclamations. On sait qu'alors la vanité de les rejeter l'emporte souvent sur celle de ne pas changer. Quand bien même ses opinions commenceraient par être à peu près les mêmes dans toutes les familles, bientôt, si une erreur de la puissance publique ne leur offrait un point de réunion, on les verrait se partager et dès lors tout le danger disparaîtrait avec l'uniformité. D'ailleurs, les préjugés qu'on prend dans l'éducation domestique sont une suite de l'ordre naturel des sociétés et une sage instruction, en répandant les lumières, en est le remède. Au lieu que les préjugés donnés par la puissance publique sont une véritable tyrannie, un attentat contre une des parties les plus précieuses de la liberté naturelle. Les anciens n'avaient aucune notion de ce genre de liberté. Ils semblaient même n'avoir pour but dans leurs institutions que de l'anéantir. Ils auraient voulu ne laisser aux hommes que les idées, que les sentiments qui entraient dans le système du législateur. Pour eux, la nature n'avait créé que des machines dont la loi seule devait régler les ressorts et diriger l'action. Ce système était pardonnable, sans doute, à des sociétés naissantes où l'on ne voyait autour de soi que des préjugés et des erreurs, tandis qu'un petit nombre de vérités, plutôt soupçonnée que connue et devinée que découverte, était le partage de quelques hommes privilégiés, forcés même de les dissimuler. On pouvait croire alors qu'il était nécessaire de fonder sur des erreurs le bonheur de la société et, par conséquent, de conserver, de mettre à l'abri de tout examen dangereux les opinions qu'on avait jugées propres à l'assurer. Mais aujourd'hui, qu'il est reconnu que la vérité seule peut être la base d'une prospérité durable et que les lumières, croissant sans cesse, ne permettent plus à l'erreur de se flatter d'un empire éternel, le but de l'éducation ne peut plus être de consacrer les opinions établies, mais, au contraire, de les soumettre à l'examen libre des générations successives, toujours de plus en plus éclairées. Enfin, une éducation complète s'étendrait aux opinions religieuses. La puissance publique serait donc obligée d'établir autant d'éducations différentes qu'il y aurait de religions anciennes ou nouvelles professées sur son territoire. Ou bien elle obligerait les citoyens de diverses croyances soit d'adopter la même pour leurs enfants, soit de se borner à choisir entre le petit nombre qu'il serait convenu d'encourager. On sait que la plupart des hommes suivent en ce genre les opinions qu'ils ont reçues dès leur enfance et qu'il leur vient rarement l'idée de les examiner. Si donc elles font partie de l'éducation publique, elles cessent d'être le choix libre des citoyens et deviennent un joug imposé par un pouvoir illégitime. En un mot, il est également impossible ou d'admettre ou de rejeter l'instruction religieuse dans une éducation publique qui exclurait l'éducation domestique sans porter atteinte à la conscience des parents lorsque ceux-ci regarderaient une religion exclusive comme nécessaire ou même comme utile à la morale et au bonheur d'une autre vie. Il faut donc que la puissance publique se borne à régler l'instruction en abandonnant aux familles le reste de l'éducation. La puissance publique n'a pas droit de lier l'enseignement de la morale à celui de la religion. À cet égard même, son action ne doit être ni arbitraire ni universelle. On a déjà vu que les opinions religieuses ne peuvent faire partie de l'instruction commune puisque, devant être le choix d'une conscience indépendante, aucune autorité n'a le droit de préférer l'une à l'autre. Et il en résulte la nécessité de rendre l'enseignement de la morale rigoureusement indépendant de ses opinions. Elle n'a pas droit de faire enseigner des opinions comme des vérités. La puissance publique ne peut même, sur aucun objet, avoir le droit de faire enseigner des opinions comme des vérités. Elle ne doit imposer aucune croyance. Si quelques opinions lui paraissent des erreurs dangereuses, ce n'est pas en faisant enseigner les opinions contraires qu'elle doit les combattre ou les prévenir. C'est en les écartant de l'instruction publique, non par des lois, mais par le choix des maîtres et des méthodes. C'est surtout en assurant aux bons esprits les moyens de se soustraire à ces erreurs et d'en connaître tous les dangers. Son devoir est d'armer contre l'erreur, qui est toujours un mal public, toute la force de la vérité. Mais elle n'a pas droit de décider où réside la vérité, où se trouve l'erreur. Ainsi, la fonction des ministres de la religion est d'encourager les hommes à remplir leurs devoirs. Et cependant, la prétention à décider exclusivement quels sont ses devoirs serait la plus dangereuse des usurpations sacerdotales. En conséquence, elle ne doit pas confier l'enseignement à des corps perpétuels. La puissance publique doit donc éviter surtout de confier l'instruction à des corps enseignants qui se recrutent par eux-mêmes. Leur histoire est celle des efforts qu'ils ont faits pour perpétuer de vaines opinions que les hommes éclairés avaient dès longtemps reléguées dans la classe des erreurs. Elle est celle de leur tentative pour imposer aux esprits un joug à l'aide duquel ils espéraient prolonger leur crédit ou étendre leur richesse. Que ces corps soient des ordres de moines, des congrégations de demi-moines, des universités, de simples corporations, le danger est égal. L'instruction qu'ils donneront aura toujours pour but non le progrès des Lumières, mais l'augmentation de leur pouvoir, non d'enseigner la vérité, mais de perpétuer les préjugés utiles à leur ambition, les opinions qui servent leur vanité, D'ailleurs, quand même ces corporations ne seraient pas les apôtres déguisés des opinions qui leur sont utiles, ils s'y établiraient des idées héréditaires. Toutes les passions de l'orgueil s'y uniraient pour éterniser le système d'un chef qui les a gouvernées, d'un confrère célèbre dont elles auraient la sottise de s'approprier la gloire. Et dans l'art même de chercher la vérité, on verrait s'introduire l'ennemi le plus dangereux de ces progrès, les habitudes consacrées. On ne doit plus craindre sans doute le retour de ces grandes erreurs qui frappaient l'esprit humain d'une longue stérilité, qui asservissaient les nations entières aux caprices de quelques docteurs à qui elles semblaient avoir délégué le droit de penser pour elles. Mais par combien de petits préjugés, de détails, ces corps ne pourraient-ils pas encore embrasser ou suspendre les progrès de la vérité ? Qui sait même si, habile à suivre avec une infatigable opiniâtreté leur système dominateur, ils ne pourraient pas retarder assez ces progrès pour se donner le temps de river les nouveaux fers qu'ils nous destinent avant que leur poids nous eût avertis de les briser ? Qui sait si le reste de la nation, trahi à la fois par ses instituteurs et par la puissance publique qui les aurait protégés, pourrait découvrir leurs projets assez tôt pour les déconcerter et les prévenir. Créez des corps enseignants et vous serez sûr d'avoir créé ou des tyrans ou des instruments de la tyrannie. La puissance publique ne peut pas établir un corps de doctrine qui doivent être enseignés exclusivement. Sans doute, il est impossible qu'il ne se mêle des opinions aux vérités qui doivent être l'objet de l'instruction. Si celles des sciences mathématiques ne sont jamais exposées à être confondues avec l'erreur, le choix des démonstrations et des méthodes doit varier suivant leur progrès, suivant le nombre et la nature de leurs applications usuelles. Si donc dans ce genre, et dans ce genre seul, une perpétuité dans l'enseignement ne conduisait pas à l'erreur, elle s'opposerait encore à toute espèce de perfectionnement. Dans les sciences naturelles, les faits sont constants, mais les uns, après avoir présenté une uniformité entière, offrent bientôt des différences, des modifications qu'un examen plus suivi ou des observations multipliées font découvrir. D'autres, regardés d'abord comme généraux, cessent de l'être parce que le temps ou une recherche plus attentive ont montré des exceptions. Dans les sciences morales et politiques, les faits ne sont pas si constants, ou du moins ne le paraissent pas à ceux qui les observent. Plus d'intérêts, de préjugés, de passions mettent obstacle à la vérité, moins on doit se flatter de l'avoir rencontrée. Et il y aurait plus de présomption à vouloir imposer aux autres les opinions qu'on prendrait pour elles. C'est surtout dans ces sciences qu'entre les vérités reconnues et celles qui ont échappé à nos recherches, il existe un espace immense que l'opinion seule peut remplir. Si, dans cet espace, les esprits supérieurs ont placé des vérités à l'aide desquelles ils y marchent d'un pas ferme et peuvent même s'élancer au-delà de ces limites, pour le reste des hommes, ces mêmes vérités se confondent encore avec les opinions et personne n'a droit de les distinguer pour autrui et de dire « Voilà ce que je vous ordonne de croire et ce que je ne puis vous prouver. » Des vérités appuyées d'une preuve certaine et généralement reconnues sont les seules qu'on doive regarder comme immuables et on ne peut s'empêcher d'être effrayé de leur petit nombre. Celles qu'on croit le plus universellement reçues, contre lesquelles on ne supposerait pas qu'il puisse élever des réclamations, ne doivent souvent cet avantage qu'au hasard qui n'a point tourné vers elle les esprits du grand nombre. Qu'on les livre à la discussion, et bientôt on verra naître l'incertitude, et l'opinion partagée flotter longtemps incertaine. Cependant, comme ces sciences influent davantage sur le bonheur des hommes, il est bien plus important que la puissance publique ne dicte pas la doctrine commune du moment comme des vérités éternelles, de peur qu'elle ne fasse de l'instruction un moyen de consacrer les préjugés qui lui sont utiles et un instrument de pouvoir de ce qui doit être la barrière la plus sûre contre tout pouvoir injuste. La puissance publique doit d'autant moins donner ses opinions pour base de l'instruction qu'on ne peut la regarder comme au niveau des lumières du siècle où elle s'exerce. Les dépositaires de la puissance publique resteront toujours à une distance plus ou moins grande du point où sont parvenus les esprits destinés à augmenter la masse des lumières. Quand bien même quelques hommes de génie seraient assis parmi ceux qui exercent le pouvoir, ils ne pourraient jamais avoir, dans tous les instants, une prépondérance qui leur permit de réduire en pratique les résultats de leur méditation. Cette confiance dans une raison profonde dont on ne peut suivre la marche, cette soumission volontaire pour le talent, cet hommage à la renommée, coûte trop à l'amour-propre pour devenir, au moins de longtemps, des sentiments habituels et non une sorte d'obéissance forcée par des circonstances impérieuses et réservée au temps de dangers et de troubles. D'ailleurs, ce qui à chaque époque marque le véritable terme des Lumières n'est pas la raison particulière de tel homme de génie qui peut avoir aussi ses préjugés personnels, mais la raison commune des hommes éclairés. Et il faut que l'instruction se rapproche de ce terme des Lumières plus que la puissance publique ne peut elle-même s'en rapprocher, car l'objet de l'instruction n'est pas de perpétuer les connaissances devenues générales dans une nation, mais de les perfectionner et de les étendre. Que serait-ce si la puissance publique, au lieu de suivre, même de loin, les progrès des Lumières, était elle-même esclave des préjugés si, par exemple, au lieu de reconnaître la séparation absolue du pouvoir politique qui règle les actions et de l'autorité religieuse qui ne peut s'exercer que sur les consciences, elle prostituait la majesté des lois jusqu'à les faire servir à établir les principes bigots d'une secte obscure, dangereuse par un sombre fanatisme et dévouée au ridicule par 60 ans de convulsion? Que serait-ce si, soumise à l'influence de l'esprit mercantile, elle employait les lois à favoriser, par des prohibitions, les projets de l'avidité et la routine de l'ignorance? Ou si, docile à la voix de quelques élateurs des doctrines occultes, elle ordonnait de préférer les illusions de l'illumination intérieure aux lumières de la raison? Que serait-ce si, égarés par des trafiquants avares qui se croient permis de vendre ou d'acheter des hommes, pourvu que ce commerce leur rapporte 1% de plus, trompés par des planteurs barbares qui ne comptent pour rien le sang ou les larmes de leurs frères, pourvu qu'ils puissent les convertir en or, et dominés par de vils hypocrites, elle consacrait, par une contradiction honteuse, la violation la plus ouverte des droits établis par elle-même? Comment alors pourrait-elle ordonner d'enseigner ou ses coupables maximes ou des principes directement contraires à ses lois? Que deviendrait l'instruction chez un peuple où il faudrait que le droit public, que l'économie politique changeassent avec les opinions des législateurs? Où l'on ne permettrait pas d'établir les vérités qui condamneraient leur conduite, où, non content de tromper ou d'opprimer leurs contemporains, ils étendraient leur fer sur les générations suivantes et les dévoueraient à la honte éternelle de partager ou leur corruption ou leurs préjugés? Le devoir, comme le droit de la puissance publique, se borne donc à fixer l'objet de l'instruction et à s'assurer qu'il sera bien rempli. La puissance publique doit donc, après avoir fixé l'objectif et l'étendue de chaque instruction, s'assurer qu'à chaque époque, le choix de maître et celui des livres ou des méthodes sera d'accord avec la raison des hommes éclairés et abandonner le reste à leur influence. La constitution de chaque nation ne doit faire partie de l'instruction que comme un fait. On a dit que l'enseignement de la constitution de chaque pays devait y faire partie de l'instruction nationale. Cela est vrai, sans doute, si on en parle comme d'un fait, si on se contente de l'expliquer et de la développer, si, en l'enseignant, on se borne à dire « telle est la constitution établie dans l'État et à laquelle tous les citoyens doivent se soumettre ». Mais si on entend qu'il faut l'enseigner comme une doctrine conforme aux principes de la raison universelle, ou exciter en sa faveur un aveugle enthousiasme qui rende les citoyens incapables de la juger, si on leur dit « voilà ce que vous devez adorer et croire », alors c'est une espèce de religion politique que l'on veut créer. C'est une chaîne que l'on prépare aux esprits et on viole la liberté dans ses droits les plus sacrés sous prétexte d'apprendre à la chérir. Le but de l'instruction n'est pas de faire admirer aux hommes une législation toute faite, mais de les rendre capables de l'apprécier et de la corriger. Il ne s'agit pas de soumettre chaque génération aux opinions comme à la volonté de celle qui la précède, mais de les éclairer de plus en plus afin que chacune devienne de plus en plus digne de se gouverner par sa propre raison. Il est possible que la constitution d'un pays renferme des lois absolument contraires au bon sens ou à la justice, lois qui aient échappé aux législateurs dans des moments de trouble, qui leur aient été arrachées par l'influence d'un orateur ou d'un parti, par l'impulsion d'une effervescence populaire, qui enfin leur aient été inspirées, les unes par la corruption, les autres par de fausses vues d'une utilité locale et passagère. Il peut arriver, il arrivera même souvent, qu'en donnant ces lois, leurs auteurs n'aient pas senti en quoi elles contrariaient les principes de la raison ou qu'ils n'aient pas voulu abandonner ces principes, mais seulement en suspendre pour un moment l'application. Il serait donc absurde d'enseigner les lois établies autrement que comme la volonté actuelle de la puissance publique à laquelle on est obligé de se soumettre, sans quoi on s'exposerait même au ridicule de faire enseigner comme vrai des principes contradictoires. Ces réflexions doivent s'étendre à l'instruction destinée aux hommes. Ce que nous avons dit de cette partie de l'instruction destinée aux premières années s'étend également à celle qui doit embrasser le reste de la vie. Elle ne doit pas avoir pour objet de propager telle ou telle opinion, d'enraciner dans les esprits des principes utiles à certaines vues, mais d'instruire les hommes des faits qui leur importent de connaître, de mettre sous leurs yeux les discussions qui intéressent leurs droits ou leur bonheur, et de leur offrir les secours nécessaires pour qu'ils puissent décider par eux-mêmes. Sans doute, ceux qui exercent la puissance publique doivent éclairer les citoyens sur les motifs des lois auxquelles ils les soumettent. Il faut donc bien se garder de proscrire ces explications de loi, ces expositions de motifs ou d'intentions, qui sont un hommage à ceux en qui réside le véritable pouvoir et dont les législateurs ne sont que les interprètes. Mais au-delà des explications nécessaires pour entendre la loi et l'exécuter, il faut regarder ces préambules ou ces commentaires présentés au nom des législateurs moins comme une instruction que comme un compte-rendu par les dépositaires du pouvoir au peuple dont ils l'ont reçu. Et surtout, il faut bien se garder de croire que de telles explications suffisent pour remplir leurs devoirs relativement à l'instruction publique. Ils ne doivent pas se borner à ne pas mettre obstacle aux lumières qui pourraient conduire les citoyens à des vérités contraires à leur opinion personnelle. Il faut qu'ils aient la générosité, ou plutôt l'équité, de préparer eux-mêmes ces lumières. Dans les gouvernements arbitraires, on a soin de diriger l'enseignement de manière qu'il dispose à une obéissance aveugle pour le pouvoir établi, et de surveiller ensuite l'impression et même les discours, afin que les citoyens n'apprennent jamais rien qui ne soit propre à les confirmer dans les opinions que leurs maîtres veulent leur inspirer. Dans une constitution libre, quoique le pouvoir soit entre les mains d'hommes choisis par les citoyens et souvent renouvelés, que ce pouvoir semble dès lors se confondre avec la volonté générale ou l'opinion commune, il n'en doit pas davantage donner pour règle aux esprits les lois qui ne doivent exercer leur empire que sur les actions. Autrement, il s'enchaînerait lui-même et obéirait pendant des siècles aux erreurs qu'il aurait une fois établies. Que l'exemple de l'Angleterre devienne donc une leçon pour les autres peuples. Un respect superstitieux pour la Constitution ou pour certaines lois auxquelles on s'est avisé d'attribuer la prospérité nationale, un culte servile pour quelques maximes consacrées par l'intérêt des classes riches et puissantes, y font partie de l'éducation, y sont maintenus pour tous ceux qui aspirent à la fortune ou au pouvoir, ils sont devenus une sorte de religion politique qui rend presque impossible tout progrès vers le perfectionnement de la Constitution et des lois. Cette opinion est bien contraire à celle de ces prétendus philosophes qui veulent que les vérités mêmes ne soient pour le peuple que des préjugés, qui proposent de s'emparer des premiers moments de l'homme pour le frapper d'images que le temps ne puisse détruire, de l'attacher aux lois, à la Constitution de son pays, par un sentiment aveugle, et de ne le conduire à la raison qu'au milieu des prestiges de l'imagination et du trouble des passions. Mais je leur demanderai comment ils peuvent être si sûrs que ce qu'ils croient est ou sera toujours la vérité. De qui ils ont reçu le droit de juger où elle se trouve? Par quelle prérogative ils jouissent de cette infaillibilité qui seule peut permettre de donner son opinion pour règle à l'esprit d'un autre? Sont-ils plus certains des vérités politiques que les fanatiques de toutes les sectes croient l'être de leurs chimères religieuses? Cependant, le droit est le même, le motif est semblable, et permettre d'éblouir les hommes au lieu de les éclairer, de les séduire pour la vérité, de la leur donner comme un préjugé, c'est autoriser, c'est consacrer toutes les folies de l'enthousiasme, toutes les ruses du prosélytisme. L'instruction doit être la même pour les femmes et pour les hommes. Nous avons prouvé que l'éducation publique devait se borner à l'instruction. Nous avons montré qu'il fallait en établir divers degrés. Ainsi, rien ne peut empêcher qu'elle ne soit la même pour les femmes et pour les hommes. En effet, toute instruction se bornant à exposer des vérités, à en développer les preuves, on ne voit pas comment la différence des sexes en exigerait une dans le choix de ces vérités ou dans la manière de les prouver. Si le système complet de l'instruction commune, de celle qui a pour but d'enseigner aux individus de l'espèce humaine ce qui leur est nécessaire de savoir pour jouir de leurs droits et pour remplir leurs devoirs, paraît trop étendu pour les femmes, qui ne sont appelées à aucune fonction publique, on peut se restreindre à leur faire parcourir les premiers degrés, mais sans interdire les autres à celles qui auraient des dispositions plus heureuses et en qui leur famille voudrait les cultiver. Si les quelques professions qui soient exclusivement réservées aux hommes, les femmes ne seraient point admises à l'instruction particulière qu'elle peut exiger, mais il serait absurde de les exclure de celle qui a pour objet les professions qu'elles doivent exercer en concurrence. Elles ne doivent pas être exclues de celle qui est relative aux sciences, parce qu'elles peuvent se rendre utiles à leur progrès, soit en faisant des observations, soit en composant des livres élémentaires. Quant aux sciences, pourquoi leur seraient-elles interdites ? Quand bien même elles ne pourraient contribuer à leur progrès par des découvertes, ce qui d'ailleurs ne peut être vrai que de ces découvertes du premier ordre qui exigent une longue méditation et une force de tête extraordinaire, pourquoi celles des femmes, dont la vie ne doit pas être remplie par l'exercice d'une profession lucrative et ne peut l'être en entier par des occupations domestiques, ne travailleraient-elles pas utilement pour l'accroissement des lumières en s'occupant de ces observations qui demandent une exactitude presque minutieuse, une grande patience, une vie sédentaire et réglée. Peut-être même serait-elle plus propre que les hommes à donner aux livres élémentaires de la méthode et de la clarté, plus disposés, par leur aimable flexibilité, à se proportionner à l'esprit des enfants qu'elles ont observé dans un âge moins avancé et dont elles ont suivi le développement avec un intérêt plus tendre. Or, un livre élémentaire ne peut être bien fait que par ceux qui ont appris beaucoup au-delà de ce qu'ils renferment. On expose mal ce que l'on sait lorsqu'on est arrêté à chaque pas par les bornes de ses connaissances.